Une fois n'est pas coutume, Roger et Yvon Bordas vont vous expliquer ce que sont les pourcentages. Un pourcentage, c'est l'écriture mathématique de la comparaison d'un nombre avec 100. 1 étant positif, on écrit 1% ou 1 sur 100. 1% est aussi appelé un taux de pourcentage. Jean a été élu délégué avec 22 voix sur 50. Le rapport de voix avec lequel il a été élu est de 22 sur 50, soit en pourcentage 44 sur 100 ou 44%. Si tu ne crois pas, t'as qu'à demander à ton père ou à ta mère. Ah! Calculer 1% d'un nombre revient à le multiplier par 1 et diviser par 100.